Découvrez une affaire particulièrement sensible dans Le Souffle de la Nuit. Au bois de Vincennes, un policier est retrouvé mort. La mise en scène fait penser à de la magie noire. Tueur sadique, crime organisé, et si cette simple enquête criminelle devenait une affaire d'État ? Le roman « Le Souffle de la Nuit » d'Alexandre Gallien est disponible en librairie aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire à dormir debout, mais bien réelle évidemment, les Polders. Au printemps 1929, la France traverse les années folles de l'entre-deux-guerres sur fond de crises politiques récurrentes, d'instabilité économique et de profond malaise social. Dans les rues de Paris, le combat pour la défense des idéaux laisse peu à peu sa place au populisme en tout genre. Tapis dans l'ombre, l'extrême droite tisse sa toile et agrandit sa sphère d'influence. À chaque occasion, les membres de l'Action française, mouvement politique nationaliste et royaliste et antisémite, saisissent l'opportunité du débat pour accentuer les tensions et mieux diviser la population. C'est dans ce contexte que plusieurs parlementaires républicains vont recevoir un bien étrange courrier. À l'intérieur, une courte lettre en caractère d'imprimerie signée à l'encre noire par deux hommes qui prétendent représenter le comité de défense Poldev. Les auteurs de cette missive appellent à l'aide les députés français pour, disent-ils, réveiller les consciences et délivrer le peuple des Poldev du martyr et du joug de l'intransigeance. Relayée dans la presse, l'affaire suscite une vive émotion. D'autant que plusieurs parlementaires de gauche et de droite prennent position publiquement en faveur de la démarche. Mais pourquoi ? Et que veut ce comité au nom étrange ? Derrière ce mystère, se terre l'Action française et toute cette mouvance qui, en faisant croire au pire, exerce ce qu'on appelle la stratégie de la tension ou de la peur, histoire peut-être, probablement, de créer un désir de reprise en main de pouvoir autoritaire et si possible d'extrême droite. Notre invité Philippe Di Folco, écrivain, scénariste et également professeur à l'USA Arts et Culture, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il s'est intéressé dans trois d'entre eux aux grands imposteurs qui ont marqué l'histoire et justement à l'histoire du peuple Poldev. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Il y a eu un canular célèbre que les Normaliens avaient accepté pour eux-mêmes. C'était le canular. Les Poldev. Vous avez entendu parler des Poldev ? Eh bien voilà. Les Poldev, c'est un canular assez typique, car ça comporte une invention et ça comporte l'invention d'une tribu tout entière. Voilà. Les Poldev sont réinventés et jetés dans l'histoire. Le canular n'est pas une blague. Du moins, pas seulement. Le canular n'est pas non plus une simple plaisanterie. C'est bien plus que cela. C'est bien pire que cela. Le canular sert toujours des intérêts, des enjeux parfois difficiles à percer, explique Pierre Boutan en 1997 au micro de France Culture. S'agit-il plutôt d'une sorte de parodie de la réalité ou d'une mystification ? À ces questions, il n'y a pas une, mais plusieurs réponses. Tant en effet ce procédé basé sur le mensonge reste difficile à saisir, à définir et donc à classer. Quoi qu'il en soit, le canular a toujours comme caractéristique la provocation, et s'il s'inscrit toujours dans son contexte, un moment particulier dans lequel un ou plusieurs individus, mal intentionnés ou non, tentent de faire croire quelque chose à d'autres, car l'environnement autour d'eux s'y prête et favorise leur démarche. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le canular du peuple des Poldev. Une histoire incroyable sur le fond et invraisemblable sur la forme. Une affaire rigoureusement vraie qui nous replonge à la fin des années 20 dans l'époque troublée de l'entre-deux-guerres. Paris vers 1929. dans les kiosques à journaux du quartier latin, la presse du jour titre sur le climat de tension dans la capitale en vue de l'ouverture de la conférence des experts sur les réparations de guerre. À la une également, la dernière phase de l'évacuation des troupes alliées stationnées en Rhénanie occupée, autre sujet qui suscite un intense débat chez les parlementaires. Cet extrait d'article en première page du quotidien Le Matin témoigne précisément de l'émotion qui règne alors dans l'Hexagone. Fronde à l'Assemblée hier après-midi, alors que le ministre des Affaires étrangères, M. Aristide Briand, présentait les grandes lignes du calendrier qu'il compte offrir à l'Allemagne pour le paiement de ses réparations de guerre. Certains députés refusent le projet de report et d'étalement de la dette allemande à l'égard de la France. Une trentaine d'entre eux considèrent que l'engagement du ministre est à la fois antipatriotique et va même à l'encontre du devoir du gouvernement à servir les intérêts des Français. Le retrait des troupes françaises de Rhénanie ne peut et ne doit se faire qu'à la condition que la France obtienne ce dont l'Allemagne s'était intégralement engagée lors de la signature du traité de Versailles. Un an après la signature du pacte Briand-Kellogg, ratifié par 63 pays et qui avait déclaré la guerre hors la loi, les conditions d'application de la paix sur le continent européen continuent de cristalliser les questions, la défiance et les critiques. Au Palais Bourbon, sur les bancs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, deux camps s'affrontent sur cette question. Bien loin du traditionnel clivage droite-gauche, on trouve d'un côté les pacifistes légalistes, favorables aux démarches entreprises par le ministre Aristide Briand pour apaiser les rapports avec l'Allemagne et restaurer une relation de proximité et de confiance avec elle. Et de l'autre, les frondeurs, ceux qu'on surnomme les revanchards bellicistes. Eux refusent tout compromis et reprochent même au président du Conseil, Raymond Poincaré, sa mollesse à faire appliquer la loi cinglante mais honnête de la défaite, comme ils disent, c'est-à-dire à l'Allemagne. Un échiquier politique fragmenté, des tensions idéologiques exacerbées, un gouvernement qui semble dépassé par l'ampleur des événements qu'il doit gérer, la situation fait bien sûr le jeu de l'extrême droite, et en particulier celui de l'Action française. Au début de l'année 1929, l'Action française, mouvement nationaliste et royaliste, symbolise l'une des franges les plus radicales et les plus populistes de l'échiquier politique. École de pensée, courant politique et mouvement intellectuel antisémite, apparu au moment de l'affaire Dreyfus, l'Action française est depuis plusieurs années sous l'influence de l'essayiste et homme politique Charles Maurras, qui prône le nationalisme intégral. Une doctrine qui doit aboutir au retour de la monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire. L'intellectuel incendiaire, théoricien de l'ennemi intérieur, le juif, comme d'autres, affirme aujourd'hui la même chose pour le musulman, estime aussi que la République est pervertie depuis ses débuts par ceux qui ont juré de la défendre. Maurras prône l'action violente, comme l'expliquera plus tard le fils de l'écrivain Georges Bernanos, membre de l'Action française à cette époque. Pour Bernanos, militer pour l'Action française a consisté avec un certain nombre de ses camarades a formé un espèce de petit groupuscule qui s'était intitulé les hommes de guerre et qui déambulait dans le quartier latin militant pour l'Action française. Il descendait le boulevard Saint-Michel sortant les drapeaux à fleur de lys et semait la perturbation dans les conférences de l'opposition. Il y a eu notamment la fameuse affaire Talamas qui était professeur à la Sorbonne, qui s'était rendu coupable d'irrévérence vis-à-vis de Jeanne d'Arc. Alors les fameux hommes de guerre ont décidé qu'il fallait qu'ils soient punis et ils sont allés à un des cours de Talamas et l'histoire raconte qu'ils ont littéralement fessé en public le malheureux Talamas, hein, ce qui a valu d'ailleurs à Bernanos un séjour de 15 jours à la prison de la Santé. L'une des particularités de l'Action française, c'est de cumuler tous les rôles d'opposition en un seul. Le mouvement maurassien est en effet à la fois anti-parlementariste, anti-républicain et furieusement antisémite. Pour faire entendre sa voix et promouvoir ses idées, l'Action française dispose d'un journal du même nom. Dirigé par Maurras en personne, le quotidien d'Action française, c'est son titre, revendique une ligne éditoriale violente et radicale, dont la calomnie et l'acharnement sont les deux mamelles. « parmi la dizaine de journalistes qui démontrent un certain zèle à cette tâche, apôtre de la désinformation, il y a Alain Mellet. À 46 ans, scribouillard d'extrême droite, toujours prêt à déverser sa haine, il n'est pas particulièrement connu du grand public. Mais c'est un homme prêt à tout pour montrer à celui qu'il admire et respecte, Charles Maurras, qu'il mérite d'intégrer son premier cercle. Mellet a de l'ambition. Il réussit une certaine rancœur à l'encontre des parlementaires et il va profiter du contexte de division sur les questions de politique internationale pour imaginer un piège improbable afin d'humilier les députés et sénateurs de tous bords. Dans l'esprit tortueux de ce petit bonhomme bedonnant, aux joues tombantes et aux idées toxiques, va germer une incroyable histoire. Celle d'un peuple imaginaire qui demanderait l'aide des parlementaires français pour échapper à l'esclavage. Au début de l'année 1929, le petit théâtre d'Alain Mellet prend forme. Reste à composer le casting, reste aussi à convaincre les élus républicains de s'engager au secours de ce malheureux peuple imaginaire. Moins d'un mois plus tard, le lundi 18 mars 1929, une vingtaine de députés reçoivent à leur bureau de l'Assemblée une enveloppe cachetée dans laquelle chacun d'entre eux découvre une lettre d'une page écrite en caractère d'imprimerie. Honoré monsieur le député, c'est un cri à votre pitié et à votre justice que nous faisons entendre en vous suppliant de laisser toute votre attention sur les choses qui suivent. En plein siècle de lumière et de droit, près de 100 000 infortunés poldèves, esclaves modernes, allaitent sous le joug de quelques dizaines de grands propriétaires terriens. Femmes, vieillards, enfants, parce que les hommes travaillent dans d'autres pays, mènent une vie misérable de bêtes. Aucun secours pour eux si leur délivrance ne vient pas de la conscience mondiale que nous venons chercher dans votre cœur. Dans ce commencement du XXe siècle qui a vu éclater grandiosement le triomphe de la paix perpétuelle et de la fraternité à toujours, il faut effacer les dernières taches immondes. La France de 1793, qui avec son glaive flamboyant a piétiné les tyrans et les rois, peut nous arracher entre les griffes des grands propriétaires affamés de sang poldèves. Oh merci, honoré monsieur le député, pour votre réponse qui ira à Genève avec celle des autres collègues du Parlement de la Grande France de la Révolution. Pour le comité de défense poldève, l'inexistant off, l'ami d'Alf. Les deux auteurs de courrier, deux individus inconnus jusqu'ici du grand public, prétendent répondre au nom effectivement de l'inexistantoff et l'amidaef, deux patronymes qui fleurent bon l'Europe de l'Est. Une intuition confirmée dans l'un des paragraphes de leur missive, dans lequel les deux auteurs affirment que leur peuple a trop souffert par la faute de l'Ukraine et que les poldèves ne sont en rien les amis des républiques soviétiques. La Poldévie donc, dont personne ici à Paris ne connaissait l'existence, serait manifestement une petite république ou un petit territoire enclavé entre la Pologne, l'Ukraine, la Tchécoslovaquie, voire frontalière des régions des Balkans. Malgré une bibliothèque conséquente et malgré le voisinage entre le Palais Bourbon et le ministère des Affaires étrangères, aucun député ne prend le temps de consulter un atlas ou même tout simplement de se renseigner sur l'existence ou la localisation de ce pays inconnu. Ça paraît fou, et c'est pourtant vrai. Et sans quoi d'ailleurs, il n'y aurait pas eu d'affaire poldève. Nous la devons donc à la paresse et à la crédulité des gouvernants de l'époque. Mieux encore, dans ce contexte diplomatique tendu sur la question des réparations de guerre, plusieurs députés de droite et de gauche, tous membres du courant des pacifistes légalistes, vont s'engouffrer dans la brèche offerte par cette lettre et se faire les porte-voix de la cause du peuple poldève. Sans l'ombre d'un doute, cette lettre est pour eux une incroyable opportunité pour défendre une cause qui sert leur engagement politique en faveur de la paix, quitte à utiliser à des fins uniquement politiques le drame des poldèves. Premier parmi les parlementaires à répondre au courrier, Pierre Casals, député de l'Ariège. Petite particularité et non des moindres, l'agrégé de lettres, ancien président du Parti radical, est aussi et surtout un ami personnel et même un confident du président Raymond Poincaré. Alors il se mobilise et mobilise autour de lui des intellectuels et des journalistes pour faire connaître, je cite, le calvaire du peuple des polders et diffuser l'information dans la presse. En sa qualité de questeur de la Chambre, c'est sur papier en tête de l'Assemblée nationale que Casals répond aux deux expéditeurs. Messieurs l'inexistantoff et l'ami d'AF, sachez que toutes les iniquités trouvent en moi un adversaire résolu. À plus forte raison, l'oppression et la violence. Sentiment sympathique à l'égard du peuple polder. Votre ami et soutien, Casals, député de l'Ariège au nom de la République française. Dans la foulée, quatre autres députés prennent position pour affirmer leur soutien qu'ils prétendent déjà sans faille et sans alternative à la lutte du peuple polder. Parmi eux, on trouve le vice-président de la commission de l'armée à l'Assemblée, le député du Rhône, Armand Chouffet. Dans la lettre qu'il fait dicter à sa secrétaire, il s'indigne, cœur sur la main, en ces termes. « Je suis, en ce qui me concerne, et dans les limites de mes possibilités, à votre entière disposition pour vous aider dans votre tâche. » Rien, en effet, n'est plus beau que le dévouement de ceux qui s'attachent à délivrer leurs frères de la servitude. Dans un autre bureau, non loin de là, le député Charles Boutet écrit que son cœur saigne à l'idée de savoir le peuple des polders traverser un péril profond. Dans les couloirs et à la cantine de l'Assemblée nationale, en l'espace de quelques heures, la Poldavie se retrouve au cœur de plusieurs conversations très animées. Certains députés imaginent même d'en faire